Une patate qui fait patate dans un champ de patates n'a pas de pâte. Une patate qui fait patate dans un champ de patates n'a pas de pâte. Oh, patati et patata, la patate n'a pas de pâte. Patati et patata, la patate n'a pas de pâte. Patati et patata, la patate est dans les patates. Patati et patata, dans le champ de patates.